Alors la salle est chauffée, je crois. Hein? Tout le monde est content? On est encore là. Il faut bouger, il faut danser. Comme a dit mon collègue, c'est un traitement tout ça. La musique, ça traite. Ça traite, mes amis, ça traite. Alors on est ensemble jusqu'à... Sipi. X temps. Sipi. Merci. Merci beaucoup. Tati, tati, ego, kamatanga, ayoka, mwanzo. Merci. Merci.